ils disent tous maîtres, c'est tous des maîtres. Oui. Alors c'est une chose que je ne peux pas comprendre. Mmh. Même des gosses qui sont encore à l'école, s'il y a des maîtres. Mmh. Alors moi, c'est une chose que je ne peux pas comprendre. Pourquoi maître? Comme ça arrive.